L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Parlons maintenant de choses sérieuses. Et oui, malheureusement, c'était la dernière de Belgium sans talent hier. Le public est triste, évidemment. Hein. Et ce sont les Two Maid qui ont gagné. Alors évidemment, du coup, comme c'était la finale, bah, il ne s'est pas passé grand-chose dans l'émission. Alors on va aller faire un petit tour du côté de chez nos amis français, hein, où ils ont aussi la France, hein, un incroyable talent. Hein. Alors écoutez bien ce que va chanter Erwan. On va dire la chanson que je vais vous interpréter ce soir est une composition. Et c'est une chanson qui symbolise l'amour. Un peu comme a pu le faire Edith Piaf avec l'hymne à l'amour. Voilà, donc là on se dit, il va nous faire un petit Edith Piaf, il va la chanter, blablabla. Bon, oh, bref, ça va être bien. Beau, ça va être mignon. Voilà, c'est ça. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, putain, c'est bon ça quand même. Hein. Et donc quand on entend ce qu'il vient de dire, donc on s'attend à quelque chose de une chanson française, ouais, voilà, un truc basique, quoi. Exactement. Et bien en fait, c'est pas vraiment tout à fait ça. C'est l'histoire d'un mec qui rencontre un jour. Bien charmante, elle ne savait comment. Jusque là, ça va. L'aider. Mais le refrain est meilleur. Allez, le soulager, sucer des ses fantasmes. Sucer des c'est magnifique. Ah, quelle tristesse. Oh, c'est drôle. C'est une blague. C'est drôle. Et à la fin, ils ont trouvé ça drôle. Et le mec qui. Comment il s'appelle le Canadien là qui remplace Paul Hambach. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Bref, il a dit bah, je trouve que t'as un talent, hein. Il faut vraiment que t'exploites ça. Moi, je trouve que t'as vraiment un grand talent. Donc oui, c'est plutôt content. Dans hein. Quoi. Bah oui, et prenons la vie de Paul Hambach. Un groove, un rythme endiablé. Il sait tout faire. Il rigole. Ça a l'air simple. C'est compliqué à mourir. Il tient le rythme, il tient la scène. C'est un grand, véritable. On avait l'impression qu'il avait pris de la cam à lui hier. Ouais, il était dans un état bizarre lui. Il y a tout le temps. Donc Paul Hambach, lui par contre, a bien analysé effectivement notre langue justement. Hein, voilà, c'est ce qu'on peut dire effectivement. Et en tout cas, merci Paul pour cette analyse. Et donc maintenant, on peut le dire, c'est. Notre quête du plus grand talent belge, lancée le 10 septembre dernier, est enfin terminée et on l'a trouvé. Et oui, et on l'a trouvé effectivement. Ça y est, c'est fait. Hein, c'est nos deux amis là. Hein. Oui. Enfin, nos deux amis de Too Maid, pardon. Le groupe Carolo. Oui. Effectivement. Mickaël à la radio. Le replay. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Bon, alors, on va appeler à Spa maintenant. On va rarement à Spa, tiens. Oui, c'est vrai. Alors, on c'est va parce que c'est loin. Oui, c'est ça, doit être ça. Allez, on appelle à Spa maintenant, c'est parti. On leur poser directement la question. Il y a une sonnerie bizarre, tiens. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. À qui est-ce l'honneur, monsieur? Je suis Toff, et vous-même, qui êtes-vous? C'est qui, Toff? Bah, c'est moi, monsieur. Ah, ça m'avance beaucoup. Bah oui, mais c'est vous qui avez voulu savoir, c'est pas moi. C'est à quel sujet, monsieur? Bah, en fait, je vous appelais, j'avais une question à vous poser. Je vous écoute. Bah voilà, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'un accro au téléphone, il peut décrocher? Bien sûr que non. Ah oui. Ça me semble logique, non? Bah, je sais pas, moi je vous pose la question. Bien sûr que non. Et bah, s'il peut pas décrocher, alors je vous rappelle. Bah, pas de soucis. Bon, à tout de suite. À tout de suite. Ah bah voilà, c'est très bien. Bon, bah alors on va le rappeler, hein. Ah, on rappelle, on a dit à tout de suite. Bah oui, allez, c'est reparti. Oui, allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une question à vous poser. C'est à quel sujet, monsieur? Bah, en fait, voilà, je me demandais. Est-ce que vous pensez qu'un accro au téléphone, il peut décrocher? Excusez-moi, à qui est l'honneur, monsieur? Je suis Toff, et vous-même, qui êtes-vous? Ah, je suis le garçon qui est pour le téléphone. Si vous m'appelez, vous devez savoir qui vous appelez, monsieur, non? Ah non, pas du tout. Ah bah vous faites bien, alors. Bah je sais bien. Si tôt le matin. Bah en plus. Vous pouvez répéter votre question ? Bien sûr. Je me demandais, est-ce que vous pensez qu'un accro au téléphone, il peut décrocher ? Ah oui, oui, oui, tout à fait, y a pas de souci. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Bon, ben je vous rappelle alors. Ah ben y a pas de souci, hein, monsieur, c'est vous qui payez. Bon, à tout de suite. À tout de suite, monsieur. Bon. On le rappelle ? Ah oui, mais ouais, non, je te rappelle. On le rappelle encore un peu. Allez, on a fois. Promis qu'on le rappelait. Bah oui, c'est ça. Après, on n'est pas des menteurs, quoi. Il est excellent. On le rappelle. Excellent. Excellent. Ouais, allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle. Écoutez, là, franchement, je pars travailler dans un quart d'heure. Je me suis dit un tout petit peu en retard. Donc, va falloir aller super vite plutôt, non ? D'accord. Alors. Parce que je vais pas savoir faire tout en même temps, là. Oui, je comprends. Mais je vous appelais parce que j'avais une question à vous poser. Ouais, mais c'est bon, j'ai déjà dit oui deux fois, là. Ah bah oui, mais vous m'avez dit que je pouvais vous rappeler, alors je vous rappelle. Ouais, mais là, je t'ai dit que je vais partir travailler dans un quart d'heure, donc je crois que c'est bon, là, non ? Ah oui, donc on décroche. Tu comprends pas ? On décroche plus, quoi. Ça sert à quoi ? Bah, j'en sais rien, moi. Moi, je vous appelle, vous décrochez, je vous rappelle. Bah ouais, mais si tu m'appelles, c'est pour quelque chose. Si c'est pour rien, tu m'appelles pas. Ah bon voilà, donc on peut plus appeler alors, c'est dommage. Bon bah tant pis. Bah, ouais. Il aurait été ouvert et il aurait quand même répondu à la question hein, directement. Bah, oui. C'est pas mal. Non mais c'est vrai. Mickaël à la radio. Le replay tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir hein. Mickaël à la radio tous les matins 6h-9h30 sur Fun Radio. Fun Radio. Et puis la ligne anti-relou, les meilleurs messages maintenant laissés sur le 0473 86 0013. On écoute évidemment le premier message maintenant. Salut Arthur, c'était Pauline. Écoute, Yvan n'est pas là ce week-end. Donc, si tu veux que je joue avec ton asticot, rappelle-moi. Bisous. Mais oui, joue aussi avec l'asticot. Comme Yvan n'est pas là, c'est l'occasion ou jamais, effectivement. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou, on écoute. Bonjour ma chérie d'amour. Parce que je veux coucher avec toi, parce que vous êtes très belle, vous êtes charmante, et vous, je veux coucher avec toi, vous allez chez ça, vous êtes jolie. Est-ce que c'est possible, on couche ensemble, c'est au revoir. Mais je pense qu'elle va rappeler, elle va répondre oui. Oui, c'est sûr. Écoutez, pas de problème, puisque vous m'appelez pour ça, il n'y a pas de souci, moi je vous rappelle. Elle prend déjà le numéro là. Il n'y a aucun souci. Tous les matins, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Bon, Sébastien est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Salut. Ça va bien. Bon, tant mieux. Sois le bienvenu, Séba. T'as 31 ans, t'appelles de la Louvière. C'est bien ça, tant mieux. Et on va jouer au vrai faux des stars. Le vrai faux des stars, c'est simple. Tu vas pouvoir repartir peut-être avec un iPod. Et pour repartir avec cet iPod, justement, il faut répondre correctement à 3 réponses sur 5 que je vais te poser, d'accord ? Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va. Première question. Vrai ou faux, la tournée 777 de Rihanna est une ruine pour elle, justement ? Vrai. C'est une vrai, bonne réponse. C'est vrai parce qu'en fait, elle respecte pas le planning de la tournée. Donc madame décide de changer les choses et donc évidemment, elle se chope de lourdes amendes. Ah bah oui, non mais bah, voilà, après en même temps, elle a les moyens, hein, t'as pas tellement bon, grave. Vrai ou faux, comme Stallone avec Rambo, Rowan Atkinson veut rejouer une dernière fois Mr Bean. Faux. Bonne réponse. Ouais, il en a marre, il veut des rôles plus sérieux, il a dit qu'il avait passé l'âge. Voilà. Ah, il a passé l'âge, d'accord. Il a 57 ans quand même. Ah quand même ? Ah oui, je le vois pas. Je croyais qu'il était plus jeune, moi. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de le voir dans un autre rôle, tu sais, un drame. Un truc sérieux. Ouais, c'est ça. T'as juste un bon qu'à un moment donné, il va faire un sourire. Bah allez, vas-y. C'est ça. Bon, vrai ou faux ? Oui, pardon, vrai ou faux, Britney Spears va se marier. Vrai. Une bonne réponse. Ouais. Et pourtant, en fait, il y avait des rumeurs qui circulaient. Hein. On n'arrêtait pas de dire qu'ils dormaient dans des chambres séparées. Puis, bah, au final, bah non, ils vont se marier. Ah, bah d'accord, ok, tant pis. Alors, vrai ou faux, Katie Holmes est une grande cuisinière. Faux. C'est une bonne réponse. Ouais, pourtant, elle avait que ça à faire avec son scientologue de mari, là. Oui, c'est vrai, Elle ne pouvait jamais sortir de chez elle, elle aurait pu apprendre quand même. C'est clair. Et enfin, question suivante, vrai ou faux, Johnny a failli mourir en avion la semaine dernière juste avant d'aller à un concert. Faux. Mauvaise réponse. C'est vrai, et rien que pour ça, j'ai plus envie d'aller en Russie. Voilà. Ouais, non, en fait, l'avion a failli atterrir en bout de piste. Mais bon, le pilote a vu ça au dernier moment, donc il a remis les gaz. Oh, bah, ça va alors. Ça nous voilà rassurés. Alors, tout va bien. Oui, Tof. Non, je voulais juste dire ce qu'elle oublie de dire, c'est que ça se passait à Rennes. Ah oui, oui. Oui, mais bon, oui. Quand même. Oui, je veux pas aller en Russie, je veux aller rester en France. Hein. Ouais, c'est ça n'a rien à voir. Ouais. Non, mais ça n'a rien à voir. Je veux juste pas aller en avion. Et comme on doit aller en avion en Russie. Oui, on est. Oui, cas, bah, tu peux y aller en voiture si tu veux, mais après, ça va être plus long, quoi. Moi, j'avais proposé, ouais, on n'a pas voulu. Bah, oui, mais ça, c'est avec non, ça, Saline n'a pas voulu. Avec bah, Google Luxe. Moi, je fais pas des heures d'avion. Des heures, ok. T'inquiète pas qu'on a voiture, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça, quoi. C'est un 4 roues. Bon, Sébastien, bravo à toi. 4 sur 5, c'est pas mal. L'iPod est pour toi. Bravo, Seba. Merci pour une fois, parce que j'ai déjà joué quelques fois et j'ai toujours perdu. C'est vrai, ben tu vois, comme quoi finalement ça paye. Voilà, ça y est, ça paye. Bon, et ben, écoute, passe une bonne journée, Sébastien. À bientôt. Merci également. Ciao. Mickaël à la radio, le replay.